La danse, qui peut encore se compter parmi les arts, parce qu'elle est asservie à des règles et qu'elle donne de la grâce au corps, était un des grands amusements de la cour. Louis XIII n'avait dansé qu'une fois dans un ballet en 1625, et ce ballet était d'un goût grossier, qui n'annonçait pas ce que les arts furent en France 30 ans après. Louis XIV excellait dans les danses graves, qui convenaient à la majesté de sa figure et qui ne blessaient pas celle de son rang. Les courses de bagues, qu'on faisait quelquefois, et où l'on étalait déjà une grande magnificence, faisaient paraître avec éclat son adresse à tous les exercices. Dans ces courses, le jeu consistait pour un cavalier à enfiler et à enlever au galop d'un cheval, avec une lance, des anneaux suspendus à un poteau. Tout respirait les plaisirs et la magnificence qu'on connaissait alors. C'était peu de chose en comparaison de ce qu'on vit quand le roi régna par lui-même. Mais c'était de quoi étonner, après les horreurs d'une guerre civile et après la tristesse de la vie sombre et retirée de Louis XIII.